À peine en absence, tu réponds pas. Toi et moi, c'est jour et la nuit. Après cet embrouille, faut qu'on se parle. Toi et moi, c'est jour et la nuit. On est comme chien et chat, tu finis toujours dans mes pattes. Toi et moi, c'est jour et la nuit. À chaque sortie, tu doutes, tu te méfies toujours de mes potes. Toi et moi, c'est jour et la nuit. En brouillant public, zéro comportement. On s'affiche à rien pudique, on finit n'importe comment. Tu me fais péter un câble. Fais péter les plombs, c'était pas ça le plan. Nanana, c'est ma maladie. Je sais qu'on se désire, mais au final on se déchire. Oh oh, maladie, c'est ma maladie. Faut bien réfléchir, faut qu'on commence à se ressaisir. Eh, hey, hey. Maladie, c'est ma maladie. Viens, on fait des efforts, car au final on s'affaiblit. Eh, hey, maladie, maladie. Faut bien réfléchir, faut qu'on commence à se ressaisir. Eh, hey, hey. C'est pour ça que je te hais. Toi et moi, c'est jour et la nuit. On communique plus, y a plus de secrets. Toi et moi, c'est jour et la nuit. En vrai, je nous en veux, on n'a pas exaucé nos voeux. Toi et moi, c'est jour et la nuit. Y a plus d'étincelles, on se consomme à petit feu. Toi et moi, c'est jour et la nuit. En brouillant public, zéro comportement. On s'affiche à rien pudique, on finit n'importe comment. Tu me fais péter un câble, tu me fais péter les plombs. C'était pas ça le plan. Nanana, maladie, c'est ma maladie. Je sais qu'on se désire, mais au final on se déchire. Oh oh, maladie, c'est ma maladie. Faut bien réfléchir, faut qu'on commence à se ressaisir. Eh, hey, hey. Maladie, c'est ma maladie. Viens, on fait des efforts, car au final on s'affaiblit. Eh, hey, maladie, maladie. Faut bien réfléchir, faut qu'on commence à se ressaisir. Eh, hey, hey. Se ressaisir, hey, hey. Maladie, c'est ma maladie. Viens, on fait des efforts.